как новый фан. And it doesn't matter, see, there must be a sign. Let it be. C'était Bonjour. When I found myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. In my own darkness, she's standing in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Let it be. Nous allons chanter une chanson des Beatles qui s'appelle Let It Be. Avec à la batterie Monsieur RP. Le piano, j'entends pas, c'est qui joue le piano? C'est où le départ? Lady and Gentleman, maintenant un titre des Beatles. When I found myself in time of trouble. Ah bah non, le piano il s'arrête. Don't stop the piano. Don't stop the piano. Play the piano. I want to play piano. I just want to see my friend. Please give me the piano. Thank you. Give me the piano. Oh. Bon, alors on va la refaire. Nous avons un public nombreux aujourd'hui. Mesdames et messieurs, let it be. When I found myself in time of trouble, Mother Mary comes to me. Ah non, mais le piano! Where is the piano? RP, tu déconnes. On a un pianiste, à chaque fois qu'il part boire une bière, il oublie tout. Alors, le pianiste va revenir à l'obistro. Le pianiste est demandé dans la salle de concert. T'as un guitariste, il est prêt, pauvre. Il est chaud et tout. Les doigts sont chauds. I'm looking for the pianist. Going to drink a beer. Just a moment. Ah ben il est parti, merde. On a perdu le pianiste. Ah, le pianiste est revenu. C'est ça, il est parti boire un coup, il revient. Where's the pianist? Ah, it's a rainy day. It's a rainy again. Ça, c'est super trop. When I found myself in time, trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. Allez, Divil, Divil, Divil, Divil, je sais pas comment t'appeler. Je préférerais t'appeler ton prénom, mais. Ah, faut changer. 16. D'accord. C'est bientôt les élections. Toi, tu joues comme un divin, comme un dieu. Ah, les pays. Bah non, faut savoir. Et non, Giordano. Giordano, c'est... C'est pas 32, Giordano. Qu'est-ce que tu fais, George? George. Américo. Just in dernière danse entre l'ombre et l'indifférence. Bon, on va la chanter cette chanson. C'est fort, il y a quelque chose qui est fort là. Giordano, en fait, il a un micro. Moi, j'enlève la batterie, je veux pas de batterie. Excuse-moi, j'ai muté ta batterie. Are you ready to... Are you ready to play? Allez, c'est parti. When I found myself in time of trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. And in my own darkness, she's steady right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Putain, mais ton piano il marche pas. Putain, le pianiste il a broken. Broken his piano. Broken his keyboard. What do you do, Mr. RP? Il est bourré, le pianiste. Mesdames et messieurs, nous allons recommencer pour la 50e fois. When I found myself in trouble, Mother Mary comes to me, speaking word of wisdom, let it be. In my own darkness, she's standing right in front of me, speaking word of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be, oh let it be. Whisper. Let it be. And when the broken people living in a world of grief, there will be an answer. Let it be. là, oh là, oh là, oh là, calme-toi. Oh, oh, oh, oh, oh, trop fort. Non, ça va pas. C'est moi qui suis trop fort. C'est quoi ce bordel? Vous êtes en train de faire retourner le chanteur dans sa tête. C'est la messe. Eh bien, mes chers frères, nous sommes réunis ce soir in spiritu sanctus. Nous allons chanter un cantique. Notre frère RP, alors, va nous jouer le cantique. L'organiste, il a picolé. L'organiste, il a picolé. Eh. Oh. Eh. Ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, ping pong, you replay piano. Do you want to play a guitar, a rock song? Do you want to play a rock song? Que vous voulez faire des solos, je vais vous mettre un truc pour vous exciter sur vos manches. Oh non, je l'ai faite celle-là. Vous allez pouvoir astiquer vos manches. Je suis en train de chercher la chanson pour vous faire astiquer les manches. Astiquer les manches. Alors, 1 minute please. Désolé, j'arrive pas à trouver le truc, merde, ça fait pas mal. Peut-être pas 120. We'll be right back. Je sais pas si on entend ma basse. T'as, elle est pas forte, truc. La séquence. Ok, c'est bon. Are you ready? 1, 2, 3, 4. We'll be right back. suis cerné. C'est pas ça les accords. Try to find the chord. Try to find the chord. It's easy. RP, tu l'as les accords. Oh, Divaï, lui, y a pas de problème. Il attend. Follow Divaï, Hammer. Or RP. 1, 2, 3, 4. Pour Adrien. Allez Adrien. Quand je suis cerné, je rêve d'un été français, un été parfait où rien ne pourra m'arriver. Pardonne-moi si ici. C'est pas top hein. Quand je suis cerné, Please. Pump your volume bass. Oh putain, le volume, la basse. Laisse. Yes. Dommage, on va perdre le guitariste solo. T'as me niqué les oreilles, ça. Fort aussi, hein. Ok, c'est pour Adrien. C'est pour toi, Adrien. Ça durera pas longtemps. On va pouvoir chanter. 3, 4. Ah merde, ça coupe, bordel. Je recommence. 2, 3, 4.